Ouais. TPS. Prestige. J'ai la rage comme Cage, Nicolas, dans volte-face ou mon poteau qui picola, fini en cache, révolte face à la justice de ce pays, à la justice de ce païen, guetté par l'œil de Caïn, on tient la route comme Dédé, vision ville, ma ville comme Tadé, dans ma vidéo, débat, pas de vidéo, vidéo, faux débat, pose paraître le bordel, trop de prostituées comme rue Blondel, blam blam si tu testes, larmes et larmes si tu restes, puis tes potes qui changent de veste, pas là pour faire l'ange de l'Est, parisien, par ici, paresseux, règne en maître, faut que j'empoche et dans les poches, pleinement maître, dis que ça. Excellente cuvée, prestige, vers le ronron en ruée. TPS, rare de voir ruée. Hades, venu pour te tuer. Seven, dans ta caisse la buée. Contact 6, trop tâche, trop tard, grave trop cash. Comme foncé à 200, pour un barrage de star. XX équipe de star, laisse aux autres les rimes arbi. Ouais, sarbi, vite équipe, reste des stars. Vite des gars pour te servir, des gars pour te servir. Avec le cœur j'pose, même si j'ai mal, ici j'expose ce que j'ressens pour mes 4 engins qui t'explosent. Trahison. L'armée en 10 ans, de tout ça range ou pas, j'oublie en 10 ans. Et les gars qui veulent ou pas, on est où? Et les halls portent nos blancs qui volent ou pas. On est à. Ouais, personne au bras blessé, personne au bras blessé, personne pourra blesser l'escroya. Mais les chants s'associent, nique le business, celui qui approche pas de soucis. Les gens ont trop de tendance à t'oublier, mais c'est trop facile, jamais je me suis plié. Hades, Axis Coach, j'ai dit que ça, une bonne équipe, ça, à dire pour les pits, c'est pow, pow. Dans leur merde des bastos, laissez-moi accroître ma force que je les casse tous. La ville nous a posés sur la même route. On n'a rien, mais demain on aura des bonnes rats. Tout perdu, et je me sens seul comme un bidon. Si merde les gars, et cette fois on lâche pas le guidon. Recta, soldat formé pour Edith. On fume des red pas, au fond on est des rares dits. En tête comme Alfred Sirven, me suis sauvé dans la savane. J'ai ben Kabil en cavale, ciel bon armé comme de Chaval. Résistant comme Donovan, Inch'Allah tous musulmans. Jetez vos musulmans, le haram nous mène, faut plus qu'on s'élimine. 07 comme Pierce Brosman, j'ai la rage comme au Bosley. Et au piste boulevard Haussmann, et un barrage de Tushmid. De Chine dans le ciel sous pop, l'autre piste sous 16 et sous pop. Même l'innocent est coupable, flic de sa dans le support. Pour comme un tueur de flic, fugitif comme Harrison. Le garde c'est mon putain de fric, sans mon brolique de l'emprisonne. Liberté comme William Wallace, j'ai 2000 lames de calache. Crâne rasé à la télé, ça balasse, ta gana, ça balasse. L'homme 7 c'est mon matricule, représentant du XX. Le pitbull on mic articule, pour notre frère chérif. Agent du XX, Axis TPS Darius, Hades Block 20, collabo du vide. Abdexan, fuck ça, succès, gros sexus, XX. Flow XL, mets les faux en exil, premier maxi, rap prestigieux. Première sommation, blam blam, pour dire que ça coach en somme des blesses. Abdexan, fuck ça, succès, gros flexus, XX. Flow XL, mets les faux en exil, premier maxi, rap prestigieux. Première sommation, blam blam, pour dire que ça coach en somme des blesses. Moi j'entends près des jeunes, hein. Si la mort menace comme prodigy, trop de dégâts, ma chroniqueur, ta me faudra bodyguard. Inch'Allah, une grande piscine, un tas d'Inch'Allah. J'ai rien de tout ça, squat le bitume comme anti-lopaxis. Anticipe bien trop de buts, coach. J'ai une décroche patte pour le moment. C'est la tête, vu qu'y'a pas les moyens. Faut parler mieux. Faut que les gaffes tactiques appellent maman. On dira t'es grave, mais bon, j'fuck cette thug life. T'es grave, j'm'en fous. J'fuck cette thug life. Moi j'suis du team, attends des Ulysse Flow bad boy. Quand on la montre, ton galère dans le bad yo. Avec Tixa, on kick ça. Tire ton son disco. À demi-temps comme un domachon. Ultimatum pour les mesdames. Moins un si tu voulais voler ma thune et violer ma team. Voilà mon thème. Cousin, t'as vu la méthode. Prestige. On partage les gains pour faire taire ceux qui parlent. Le gain à part la guine, Logan. Dis-moi ce que nos scars la gagne. Mon pixel, full boxon, pixel. Hades, sort le JP au vert sky. Destroy comme Deep Track, Zach. Lyrique XXL, du 9-1. On par vingtaine les victimes. 1-1-1, ultimatum, papy. 1 On veut des vinyles et des CD. L'argent avant de décéder. Sur nos produits, tout décidé. Mais c'est le dessert comme au Soudan. Premier maxi pour l'incendie. Précis choudé comme l'acier. La game fidèle comme l'acier. Beaucoup commencent à s'enlacer. Splendent que ça sent la sangle. Même si c'est pas la pollen, c'est que nos rêves partent en fumée au bout d'un joint. Pollen. On voulait vraiment remplir les bacs et les espaces clips sur la 6. Faire nos tournées, partir en espace sur la A6. Moi c'est Axis, pour mes potes, ADK et Prestige. Jamais de vestige, on s'investit tant que le taf l'exige. On a la musique dans le sang et on l'exprime dans nos sons et dans nos souhaits. Atteindre le but qu'on a fixé dans nos songes. Y'a des bons et des jours moins bons, c'est toujours le même débat. Un des bons morceaux et tu sais ce que l'album recèlera. Pour toi et tes potes c'est là, en vente chez ton reseller. Tu connais déjà le scénar, faut que la cadence accélère. Si la haine s'exprime sans peine, alors les crimes s'enchaînent en pleine expansion. La seule leçon qu'on retienne, que la peine est la même chaque semaine. Je m'entraîne pour quand la bac s'amène. Veux pister les arnaques, ma scène. Maximum de riches quand même. problème pour les keufs quand ils se ramènent. Voilà pour parler de mes problèmes, vous trouverez des pires par centaines. Pas troublé donc pas de problème, on reste en pointe, pas la traîne. Ce qu'on veut c'est faire des textes qui marquent et sachez que notre son va le faire. Ça coûte trop de paroles sévères, Péra c'est un truc qu'on sait faire. En rêve d'une vie paradisiaque, d'une cadillac qui se gâche quand le procureur qu'attaque un maniaque. Veut faire béton pour un disac, c'est un peu sec, faudrait qu'on le traque. Mais quand t'as le zeil, t'as même plus le trac. Légère impact, regarde Chirac qui brasse plus qu'un gars qui braque. Je lâche un son qui fâche, tu flashes dessus. Tu verras pas gros dash déçu de ma prestation et l'impression qu'on laisse accompagner. Taxi 7 et Hades, faut qu'on se blinde avant qu'on disparaisse. En espérant que dans les médias, nos lyrics paraissent dans l'immédiat. Ces PLPS sont prestigieux, mais tu le savais déjà.